100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français. Il est là, Error 404. Yes. Monsieur Brave est là avec nous, comment va ? Bah écoute, très bien, ça fait pile poil pratiquement un an que j'étais venu. Eh ouais. Comme le temps passe vite. T'as vu ça ? Et là, ça fait pile poil une semaine, non ? Ouais, tout juste. Que c'est sorti, tout juste. Tout juste, le 26 de la semaine. Ouais, voilà. Voilà, un bel album qui pour moi, quand j'ai écouté, je me suis dit, c'est même hors rap. Hors rap, c'est vrai. Non, t'as conscience ou pas quand... C'est vrai que la plupart des gens, c'est ce que l'effet que ça fait quand on m'écoute la première fois. Il est assez incroyable cet album, les paroles, les musiques. Merci. Mais vraiment, c'est vrai qu'on a été un peu plus loin. Du moins, j'ai essayé de vraiment assumer pleinement ce que j'avais envie de faire. Et petit à petit, me libérer de la contrainte de rester dans une case. Je croyais que tu disais me libérer de mon acolyte. Non. Au contraire, même ce soir, j'ai même fait mieux. Je le garde avec moi. C'est pour ça. Exactement. C'est pour ça, comme il est là, Tiers-Monde qu'on salue aussi, qui est à tes côtés également. Molo bolo. Ouais. Comme d'hab. Non, je me suis dit, tu vois, il a réussi à partir un peu. Tant qu'il va pas trop loin. Donc pour revenir sur cet album, Error 404 qui a été fait quoi ? Puisque c'est vrai qu'on s'est vu il y a un an, t'étais déjà dessus il y a un an ? Même pas. Écoute, après l'album Souffrance, on est parti en tournée et on va dire que dans ma tournée, moi je fais des concerts en appartement, tu vois. J'ai vraiment un concept de concert et ça m'a donné tellement de force qu'au mois de septembre, je me suis dit, on devrait peut-être remercier les gens que je rencontre en leur donnant des titres inédits. Et finalement, j'ai tellement eu de force que je suis ressorti avec un album au bout d'un mois et demi, quoi. Error 404, parce qu'il a planté un moment, t'avais des morceaux, ça a planté, il y a eu un problème. C'est une erreur en lui-même, tu vois, le fait de sortir un album aussi rapidement, peut-être, pour ma part, parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui prend plus de temps à l'écriture, et surtout, c'est qu'il n'a pas de raison d'être, en fait, c'est que dans la logique des choses, j'aurais dû sortir peut-être les fins d'année. Voilà, donc cet album n'a pas de raison d'être, c'est pourquoi il nous ressemble. D'où le nom Error 404. Ah, un peu, c'est une petite histoire dans la grande histoire. Avec des images aussi, allez mater les clips, à chaque fois on n'est pas déçu par tes clips. Il y a le fameux bagarré où on retrouve d'ailleurs Tiers-Monde, oui. On retrouve ton daron, non ? Oui, mon père, exactement. Tu oses frapper ton daron dans le clip quand même. Écoute, je te cache pas que ça a été très difficile la première fois, mais qu'on y prend vite goût, tu vois. Putain, tour sort, bam. Voilà, mais c'était super. En même temps, le daron. Il a bonne droite, il a un bon truc. Hein. Il aime la castagne, tu sais. Ah. Donc, franchement. C'est de famille, je sais pas, il y a un truc. Hein. Et je lui demandais de taper plus fort, il osait pas, tu vois, c'était sa petite contrainte, mais à un moment donné, il s'est lâché vraiment, c'est ce qu'on voit dans son regard. Et c'était marrant, en tout cas. Bon, et ben on va pouvoir découvrir cet album si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment ou jamais d'aller précommander, mais d'aller cliquer tout de suite pour le récupérer. Ou sinon, demain matin, dès l'ouverture des magasins, vous foncez pour récupérer. Error 404. Yes. On débute avec quoi ? Écoute, on débute avec quoi ? Délirium ? Délirium, allez, on commence avec Délirium. Et ben on y va, c'est parti. Brave a pris le contrôle de la nocturne ce soir. Yes. Prolo. Error 404 dans les bacs. Check. Brave. Polo. Je garderai l'état pour responsable. Tout le monde a son bisu. Je me méfie de ceux qui m'aiment. Judas a bien embrassé Jésus. Atteint de révulsion aiguë. Les pavés ne rentrent pas dans les urnes. Sinon tu en aurais vu. Je me torche avec vos pécules. Rigide et froid, moi je dois avoir le cœur nationalité russe. La main sur un pompe, ça veut dire que je prends du recul. Maman fuit, papa en pleure, croit encore qu'elle simule. Affolant, je crois que même des proches trouveraient mes verbes insolents. Pourtant j'insulte pas leur mère, je n'ai pas de mots assez violents. Je pratique de l'ego, bad trip. Et vends ma musique pleine de méchanceté gratuite. N'ai pas besoin d'être vulgaire, la vie le fait déjà. Je ne serai jamais d'accord avec vous à part sur ça. Yeah. Un architecte bâti carrière sur les ruines de leurs idées. Des parents humiliés, ça fait des gosses indignés. Y'a pas plus de confort dans un cercueil fait en planche habillée. La nuit ne porte plus conseil, mais des armes au numéro lumineux. J'combats la bêtise des racistes amnésiés. Les négrophobes d'aujourd'hui ont pourtant des grands-parents muniers. Parolier pyromane, oui j'aime les départs d'incendie. La preuve que moi aussi je suis attiré par tout ce qui brille. Je n'ai pas besoin d'être vulgaire, la vie le fait déjà. Je ne serai jamais d'accord avec vous à part sur ça. J'suis né un bouton d'autodestruction au-dessus de la tête. J'peux pas m'empêcher de jouer aveugle. Short jardin ghetto, donc devenir populaire c'est un échec. Rien à cirer de bouffer bio, on veut juste quelque chose dans notre assiette. J'n'écoute plus de rap tout simplement parce que j'ai peur du vide. Y'a plus de fond dans une poche d'urine. Paye un tueur à gage si tu souhaites acheter mon silence. Brave. En état de délirium tremens. Je n'ai pas besoin d'être vulgaire, la vie le fait déjà. Je ne serai jamais d'accord avec vous à part sur ça. Prolo, here, erreur 404, yeah. 100% rap français, planète la nocturne. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Ce monde est sérieux, est-ce que c'est celui que tu veux? Inconscient ou bien cruel, c'est ce que les hommes font de mieux. De quel côté la paix se cache-t-elle? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Je t'ai menti quand je t'ai dit que tout irait bien. Plus y aurait de sacrifices, moins y aurait de larmes à la fin. Homme ne signifie pas être humain. Le mot paix sert qu'à décorer des cercueils en sapin. Si la vie n'a pas de prix, la mort elle fait les soldes. Notre avenir nous sourit que pour se foutre de nos gueules. Parfois je me demande si nos cœurs battent vraiment pour ce monde. Ou ne font que trembler parce qu'ils s'effondrent. Comme un gun, ce qui sort de moi est douloureux. Ça aurait pu être pire, dis-toi. On pourrait mourir vieux. Dans un monde où un plus un ne fait pas deux. Raoni endormi, les gens ne peuvent que fermer les yeux. Inconscient ou bien cruel, c'est ce que les hommes font de mieux. De quel côté la paix se cache-t-elle? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que c'est celui que tu veux? Je t'ai menti quand je t'ai dit que tout s'arrange. Que les lueurs de feu dans notre ciel étaient des anges. Un cœur en bois, ça donne les yeux étanches. Ici même Satan rougit devant nos actes étranges. Même les gens de paix ont des limites, les nôtres sont derrière nous. Pardonne-nous, on ne favorise que la mauvaise part de nous. Le bon exemple, c'est ce qu'il manque à nos paysages. On est, on meurt poussière, au moins on crée de l'emploi aux femmes de ménage. Qui sème la peine récoltera qu'une pelle pour creuser sa tombe. À moins que le terrain soit déjà propriété d'un patron. La vie est belle comme un crash aérien. Raoni, oublie ta forêt, le monde est devenu citadin. Inconscient. Que les hommes font de mieux. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que c'est ça que tu veux? Inconscient ou bien plus faible? C'est ce que les hommes ne font de mieux. Est-ce que c'est ça que tu veux? De quel côté la paix se cache-t-elle? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que c'est celui que tu veux? C'est Brave au contrôle de la nocturne, erreur 404. Yes. Avec ce morceau qui s'appelle Raoni. Raoni, ouais. Petit clin d'œil, évidemment. Alors, pour ceux qui l'ont connu, qui existe toujours d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ouais. C'est un indien, un des derniers d'ailleurs. Ouais, d'Amazonie brésilienne. Ouais. Qui fait partie du village Capo, en fait, et qui milite. Depuis des années. Depuis des décennies. Exactement. Ouais. Et contre la déforestation et la construction d'un barrage là-bas qui, en fait, pousse son peuple. Malheureusement à quitter le lieu pour pouvoir voilà. Donc je trouvais que c'était une injustice, et dans son combat il y a un combat un peu global. C'est pas forcément sa cause qu'il défend, ni son village. C'est aussi notre cause à nous qui sommes là et qui aujourd'hui on voit tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Mmh. Donc il se bat aussi pour ça, et je trouvais bien de le citer dans un des mêmes morceaux, quoi. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est-ce que sérieux? Tu as la réponse? Je ne sais pas, franchement, je me le demande. Quand on écoute Erreur 404, on n'a pas l'impression quand même d'un monde. C'est vrai que l'album est dur, hein. Il est pas, quand t'as les paroles, les morceaux, c'est quand même assez sombre d'ailleurs. C'est vrai, mais c'est pas dans le sombre très. C'est pas forcément pessimiste. Il fallait partir d'un point de départ. Malheureusement, le point de départ, c'est le niveau zéro. Et en bas, il fait pas très beau, quoi. Mm. Et voilà, et j'espère, du moins avec la musique, pouvoir pas. Aller plus haut, tout simplement, monter, sortir de nos conditions de vie qui sont parfois difficiles, et parler de tout ça, tout ce qu'on connaît malheureusement. C'est ce que tu as fait d'ailleurs, en rencontrant les gens un petit peu là, sur ces derniers mois, en allant jouer chez les gens directement. Ouais, totalement. En fait, je voulais que dans mes concerts, on soit très proche de la musique finalement. Et au départ, on voulait faire ça un peu, tu vois, sauvagement dans les villes, donner rendez-vous sur les réseaux sociaux, place de l'hôtel de ville, mais je me suis rendu compte en voulant le faire qu'il faut des droits, c'est compliqué. Il faut demander la sous-préfecture, surtout là en ce moment. C'est pas, toi t'avais peut-être commencé avant les événements. Non, j'avais commencé avant, mais c'était déjà compliqué, et puis on joue pas n'importe quelle musique sur un lieu public. Mmh. Dans un lieu public, donc on s'est orienté vers cette formation de jouer directement chez les gens, et on a lancé l'idée sur un événement Facebook. Une personne nous a dit: écoute, j'ai un appartement, viens. Qui veut venir? Les gens se sont mobilisés, on est venu chez lui, ainsi de suite. Et puis on a fait une trentaine de dates en 2015. On s'est arrêté parce que on voulait faire ce projet, le terminer, et là on repart. Tu repars dans les apparts? Ah, je repars juste. Et comment on fait si jamais on veut t'avoir dans un appart? Alors on doit créer une adresse mail, parce que maintenant, d'accord, ça devient très big. Au départ c'était très spontané, donc on n'a pas fait attention à l'organisation, ça s'est passé très calmement. Aujourd'hui ça devient en fait il y a beaucoup de demandes, il faut quand même que ce soit plus cadré. En tout cas notre ambition, c'est de faire des choses plus professionnelles aussi de ce niveau-là, et donc on va vraiment créer une adresse mail où on pourra contacter, parce qu'à chaque fois je les envoie à Julien, les pauvres, et lui il est débordé, et à chaque fois il a des demandes et il s'en sort plus. Alors on va déjà au moins régler ça, et puis voilà. Mais donc pour l'instant, il n'y a pas l'adresse, ça se met en place. Les gens me contactent sur Facebook, ils contactent Julien directement sur son adresse mail. Ou son portable qu'on va filer maintenant, hein, 06. Ça sonne déjà. Ça sonne. Ouais. Avec le 06 balancé. Et donc voilà. Mais ça se passe très simplement. D'année. Et puis ça fait vraiment du lien, tu vois. Je me dis que bah, finalement on a réussi à remettre au centre de cette musique un peu plus l'humain. Ce que vous faites d'ailleurs avec Dean Records, parce que Medine lui se balade en camion, Tout à fait. Tiers monde, il compte aller. Je ne sais pas encore. Tiers monde. Il y a quelque chose de près. Ça va être en pirogue. Donc près de chez vous. Près de chez nous. Pour remonter la Seine. Voilà, pour remonter la Seine. Donc près de chez vous, vous croiserez en pirogue peut-être. Mais c'est vrai qu'on aime apporter une dimension nouvelle peut-être. Humaine, un peu plus humaine. Voilà, à cette musique. Et puis c'est nos ambitions, on va dire, d'aller au bout des choses. L'idée du camion, je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas été fait, et de le faire, au moins d'avoir réussi à le faire et de le mettre en place à notre échelle, même si c'est pas un truc super développé, je trouve que c'est magnifique comme aventure, le fait de faire des concerts en appartement aussi, et j'espère qu'on continuera dans la lancée. Et bah ça continue. Erreur 404 dans les bacs, Brave est là avec nous, c'est lui qui a pris le contrôle de La Nocturne. Les messages avec le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock, ça arrive dans le studio. On part sur quel morceau? On va partir sur Marla Singer. Alors quand je l'ai fait ce morceau là c'était pas un morceau évident, parce que déjà la prod n'est pas une prod de Proof ni de Général, c'est une prod de mon pianiste qui m'accompagne en concert en appartement, qui s'appelle Dominique Comment, et c'est lui qui a fait cet instru. Proof a bidouillé derrière la batterie, mais c'était pas évident, et finalement c'est un des morceaux où il y a une forte interprétation et les gens l'ont ressenti. Ils me renvoient énormément de messages par rapport à celui-ci. Marla Singer, pourquoi Marla Singer. Ce titre? Marla Singer, c'est un personnage dans le film Fight Club. Dans le premier album, j'avais fait Tyler Durden, et j'ai une histoire un peu, on va dire, très liée à ce film, parce qu'il y a des philosophies, des sens, des sous-entendus, des seconds degrés qui m'inspirent beaucoup, moi, dans la musique. Le fait du projet chaos, même si c'est pas ce que je souhaite, mais au moins de vouloir remettre tout le monde à zéro sur un pied d'égalité. Il y a pas mal de philosophies dans ce film qui m'inspirent beaucoup. Ce sera qui le prochain personnage que tu prendras là pour le... J'ai déjà pensé, il y a Robert Paulson, peut-être, je sais pas. Bon, à suivre. En attendant, écoutons ce morceau, Marla Singer. C'est sur l'album de Brave, Error 404, et c'est dans les bacs. Je souhaite être mieux de plus y penser, qu'espérer un jour te voir au lieu de m'arracher les cheveux. Je devrais plutôt te raser de ma mémoire, mais rien à faire, chaque fois que j'essaye de t'oublier j'échoue. Pour moi c'est toi la femme parfaite, les autres elles n'aiment que les sous. Touche-toi me fascine, y'a que dans tes bras que je m'imagine. Les filles d'aujourd'hui sont bien trop faciles, font l'amour comme de simples machines. Même si papa prétend que je suis belle ou que maman m'est jalouse, voilà, dis-moi où t'es que je t'y retrouve. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je me crache un soir les deux pieds dans le vide. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Mais le silence fait désormais bien trop de bruit. Tu ne me réponds jamais, dis-moi pourquoi. Que devrais-je comprendre derrière tout ça? Que je ferais mieux de lâcher l'affaire, des fois te remplacer par une quelconque Eva, non? Quelle affaire, aucune est égale, y'a qu'un seul soleil pour combien d'étoiles, non? Car avec ton nom à la bouche, je l'avoue, cet amour m'étouffe de malade. Donc les autres peuvent aller se rhabiller, mon seul souhait est de dire nous. S'il te plaît, je t'insigne et je fais tout ce que tu voudras, mon amour. J'aimerais ta mère s'il le faut, mais parle-moi, je t'en prie, dis-moi. Est-ce que ce sont les roses ou mes lettres qui te font fuir? Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je me crache un soleil avec deux pieds dans le vide. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Mais le silence fait désormais bien trop de bruit. Marla, ne me laisse pas, j'ai besoin de savoir s'il y a de l'espoir. Je voudrais le camp de ce trottoir qu'une fois que tu m'auras pas les mêmes d'argas. Rien à foutre qu'ils me disent fou et qu'autour de moi les gens rigolent. J'attendrai que devienne le foufou qui t'a traîné chaque fois qu'il te décorde. Je devrais probablement tourner la page. Mais le fou c'est celui qui rêve d'un haut voix. Le plus tragique dans toute cette histoire, c'est que les statues bordel ça répond pas. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je me crache un soleil avec deux pieds dans le vide. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Mais le silence désormais bien trop de bruit. cherche le soleil au milieu de la nuit. Je m'accroche à ce rêve et te pied dans le vide. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Mais le silence fait désormais bien trop de bruit. Rap français, planète rap. La nocturne. Et nos relations humaines sont numérisées. Chacun s'y mêle d'aux autres pour faire civiliser. Dans ce paradis de pixels, on exprime nos sentiments par des icônes personnalisées. On se like, on se follow, jusqu'à se connaître sur le bout des claviers. Et puis on passe à autre chose. Faut croire que des hyperliens, ça ne suffit pas pour nous attacher. Même si un homme azerti en vaut deux, ce n'est pas le pire. C'est d'être connecté au monde entier, mais de rien avoir à lui dire. Le regard fixé sur nos écrans, sans pour autant voir la fin venir. On cherche de l'eau dans l'océan, pendant que coule notre navire. Se sentir seul dans cet ensemble, au formatage des souvenirs. Il suffirait simplement. Il est vrai qu'on tue le temps, mais je peux te dire qu'il nous le rend bien. Entre les vendeurs de rêves et les acheteurs de followers, on ne demande rien. La débilité a toujours eu le haut débit. Le monde ne se regarde plus le nombril. Il compte se vide avec des selfies. Je fais le tour du monde en surfant, sans jamais devoir me jeter à la mer. Cette discussion était importante. Il faudrait pas qu'elle prenne plus de 140 caractères. La dernière fois que l'on s'est vu, je ne m'en souviens plus. Désormais nos vies se résument par contrôle à le sup. Fixé sur nos écrans, sans pour autant voir la fin venir. On cherche de l'eau dans l'océan, pendant que coule notre navire. Se sentir seul dans cet ensemble, au formatage des souvenirs. Il suffirait simplement. Erreur 404. C'est bravo, contrôle de la nocturne 100% rap français à l'instant avec ce morceau en effet qui s'appelle Erreur 404. Morceau important puisque ceci est le nom de l'album qui est dans les bacs depuis une semaine maintenant. Oui. Ton projet, Et tu nous parlais des prods d'ailleurs auparavant, donc sur le morceau précédent. Ouais. Mais t'as bossé avec la même équipe aussi, comme d'hab. Avec mon petit frère et mon grand frère. Prof ouais, et général. Ouais, j'ai l'impression, et d'ailleurs on le voit sur la pochette. Ouais. C'est une affaire de famille. Bah exactement, c'est très familial. C'est... En fait, je pense qu'avec eux, je vais beaucoup plus loin parce qu'ils comprennent la sensibilité que j'essaye de mettre dans certains morceaux, la façon de l'interpréter. Je sais que Prof m'encadre beaucoup sur des choses pour me pousser encore plus loin. Donc ça a été logique de travailler avec eux. Mais et c'est surtout au niveau du temps, j'aurais voulu, enfin mon ambition est quand même d'ouvrir la musique à d'autres producteurs, on va dire de beatmakers, mais c'est vrai qu'au niveau du temps, d'avoir ses frères, c'est quand même plus facile. Frère, père aussi. Frère, hein, père, dans le clip Revolving, tu verrais ma grand-mère et ma mère. C'est vrai, ah ça oui, a été tourné chez ma grand-mère. T'as mis tout le monde. Tu sais. À contribution. En fait, pour moi, la musique, c'est la mémoire. Et je me dis, si j'arrive à cristalliser des moments de ma vie à travers ça, c'est bénéfique, quoi. Comment ils l'ont vu d'ailleurs, ta famille, toi, pas maintenant avec cet album, mais quand t'as commencé à vouloir faire du rap, à vouloir faire de la musique, c'était pris comment d'ailleurs au sein de la famille? C'était mignon. On vient du Havre, tu sais, il n'y a pas beaucoup de rappeurs. Mon père, il ne sait pas trop ce que c'est au départ. Tu vois, j'ai commencé très tôt, par contre. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Donc, ils se sont dit, bon, mon fils, il fait pas de foot, au regret de nous ramener des salaires de footballeur, il va nous faire du rap, on va voir ce que ça donnait. Et puis tu vois aujourd'hui qu'il y a un peu, il y a de la fierté quand même, tu vois, il te soutient malgré tout. Et puis c'est cool, j'ai la famille qui est derrière en tout cas. Bon, il supporte en tout cas Error 404. Vous aussi, vous le supportez, cet album de Braff? T'as eu des réactions, t'es content aussi des premiers retours que t'as autour de cet album? J'ai de très très bons retours, même très surprenants, parce que c'est vrai que quand tu l'écoutes, le morceau peut être assez sombre, et finalement j'ai réussi à peut-être passer un step avec Souffrance, avec de la musique un peu sombre, parce qu'au final, voilà quoi, ça réunit, c'est le sentiment, c'est la musique qui parle, et puis voilà quoi. Et en parlant de réunifier, de réunir, là on va mettre un morceau qui s'appelle Tout est à refaire. Ouais. Donc c'est pour le clin d'œil, c'est marrant en fait. L'idée part de quoi? De toi? C'est toi qui as l'idée de, ouais, en de fait, faire ce morceau? En fait, ce morceau-là, j'avais l'idée de pouvoir, pour une fois, ne pas avoir plusieurs de sorties simultanées avec d'autres rappeurs qui, souvent, on est en concurrence, mais c'est la concurrence positive qu'il faut avoir. Et je me suis dit, comment faire ça pour rendre la chose cool et puis se donner de la force mutuellement. Et j'ai dit, pourquoi pas, on pourrait faire un morceau ensemble qui sortirait le jour de la sortie de nos albums. Donc c'est la semaine dernière, il y avait l'album de Jazzy Baz. Jazzy Baz, Nak Mendoza, Cam News, Cool Chain. Voilà. Et en fait, j'ai contacté Nak via les réseaux sociaux, parce que en fait, je ne le connaissais pas personnellement. Et il m'a répondu très spontanément. Et j'ai senti qu'il a été touché, parce qu'il a aussi porté le projet quand il a contacté à son tour Jazzy Baz, qu'il connaissait, Cam News, qu'il connaissait aussi. Il a fait en sorte de contacter Cool Chain, mais malheureusement, par rapport au temps, c'était contre. Il était sur une partie de poker. Voilà, peut-être. Mais on a quand même voulu le mettre aussi dans ce morceau, en mettant un petit scratch pour faire un petit symbole, surtout un petit big up. Et puis voilà, ils ont été très très cool. J'ai eu Jazzy Baz, je crois l'album sortait vendredi. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin, je lui envoie un texto pour savoir, parce que j'avais pas reçu ses pistes avec ses voix, et en fait il était encore en train de bosser. Et comme il avait du cœur à vouloir mettre dans ce morceau, il a été jusqu'au bout. J'ai reçu tout à 8h du matin. Je me suis dit, le gars il est déter. Et voilà, et vraiment cool, je suis content d'avoir pu au moins donner un peu de cristalliser un moment de rap qui ne se faisait plus trop. Est-ce que justement c'est important par rapport à toutes ces histoires de clash qu'on a pu traverser sur ces dernières années, ces derniers mois, de montrer qu'il y a aussi une solidarité, qu'il y a un retour aussi de la solidarité au sein du rap et au sein des artistes rap? Ouais, c'est aussi ça le clin d'œil de ce morceau? On le voit quand même, il y a pas mal de gens qui essaient de se mobiliser. Les clashs, ça a toujours été, ça existera toujours. C'est vrai que quand le clash est artistique, quand c'est de la création, tout ça, c'est bénéfique pour nous, parce que tu compares des styles, tu compares de la musique au final. Mais quand ça devient un peu, c'est plus dans la musique, mais voilà, c'est dégradant, c'est, tu vois, après ça touche à l'humain, tu vois. Si vous avez des choses à régler les choses en dehors, on n'a pas besoin de laver, tu vois. On est déjà très marginaux dans notre musique, alors si en plus on joue les singes savants ou je sais pas quoi là, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais voilà, j'étais content de pouvoir le faire avec eux, et puis, en tout cas c'est une super initiative. Le morceau donc existe depuis la semaine dernière, il a été balancé. préféré. C'est pas un morceau qu'on retrouve sur ton album. Hein. Non, non, qui a pas vocation album, qui a pas vocation à être sur un album. Le morceau, il est sur YouTube. J'ai essayé de faire aussi une petite vidéo parce que je voulais envoyer des liens pour que les gens qui ne connaissent pas les autres rappeurs puissent quand même les découvrir. C'est le but aussi de chacun, de se renvoyer de la lumière. Et on a fait une petite vidéo où chacun, voilà. Brave, Nak, Cool Chain aussi sur ce morceau, Kamnouz et Jazzy Baz. C'est ce qu'on écoute, tout est à refaire sur Skyrock. Big up, Nak Mendoza. Big up, Jazzy Baz. Big up, Kamnouz. Big up, Cool Chain. Tout est à refaire. Kilo kilo man, c'est des sorts, mon taf sous le cellophane. Première semaine, c'est le drame. La musique adoucit les mœurs, adoucit les fans. Comment ça, tu voudrais qu'on monte? Je demande des nouvelles des miens, pas des précommandes. Ok, faut que ça vende, faut que le frérot mange. Faire le monde dans mes puns, c'est des phéromones. Nak te raconte la story. Ça va de la maquette au mastering. Mais tu pas ma vibe, non ma chérie. Aujourd'hui dans les bacs, on atterrit. On n'est pas les Jackson, mais frérot, t'en auras 5 le 26 février. Je vais au front, couteau entre les dents, futur compromettant, mais même si c'est crié. Regret qu'on apprend à travers les erreurs. Nos vies sont construites sur des ruines, une coïncidence. On n'a pas d'autre choix que de courir encore. Chaque matin, c'est le même schéma qui recommence. Tout est à refaire. On t'a dit, Bélec, sens-tu arriver, c'est qui peut remonter les ténèbres. On le sent dans l'ambiance de la nappe qui te pénètre. Je reviens de loin de ma planète. On me voyait tel. C'est net. Perdu au bled, peut-être. J'ai l'ancienneté d'une machine futuriste, je reste donc un Terminator. Moi qui pensais en avoir fini avec tout ça, il a fallu dans ma folie que j'y retourne encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que ça s'est gâté? Vois ce qu'on a raté, c'est la fin d'un cycle, on va tout recommencer. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai laissé, toutes ces années, c'est comme si je repars à zéro. Qu'il en soit ainsi devant le Théo. Chaque matin est nouveau, c'est le tarot. J'ai libéré ma passion de ce garrot. Et à force de faire, de refaire, on maîtrise la matrice à la néo. Au lieu de fuir, fais-le. En solo face à l'avenir, fais-le. C'est comme ça qu'on se reconstruit, fais-le. La vie à la base, c'est de tomber et de se vider. Les coups durs de la vie finiront toujours par revenir comme monsieur l'huissier après l'hiver. Ne t'habitue pas trop à sourire, les larmes pourraient t'entendre et venir te rappeler hier. Pourtant, il faut encore recommencer. Regret qu'on apprend à travers les erreurs. Nos vies sont construites sur des ruines, et une coïncidence. On n'a pas d'autre choix que de courir encore. Chaque matin, c'est le même schéma qui recommence. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Dans mon crâne c'est déjà la suite mec. Moi je suis comme personne. Ou comme celui qui reste égal à lui-même. Posé dans mon quartier, je pense à mon avenir. Plus le temps de rêver. J'en ai tellement vu partir. Je me sens dépassé. Du mal à interagir. J'ai besoin de me sauver. J'aimerais m'épanouir. Loin d'ici, où les miens se divisent. Le malin s'immisce, l'ambiance est insipide. Je me sens invisible, dans des coins sinistres où la mort m'intimide. Tout est à refaire, assurément je ferai autrement comme Gary James. J'roule dans la capitale, traînant comme une hyène. Jeune, coupable et libre comme les X-Men. Y'a qu'en fermant les yeux que je me rappelle de ce qui comble ma peine. J'suis prisonnier de ces lieux. Ma rue est malsaine, obligé d'être ingénieux. Désolé mon Dieu si je blasphème, je suis jamais pris au sérieux. Tu vois le topo mec, j'ai plus de patience. J'ai pas de costard ni de ticket gagnant. Je suis en loto mais c'est perdu d'avance. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. sur Skyrock. Nocturne. Projette dans les vélivers, que de décrocher un prime time. Ça risque de déplaire à la ménagère, leur gosse écoute un mec qui n'a aucun livre valable. J'suis le gars qu'on invite pas, mais quand même à tata. Plus connu, c'est vrai, mais moins fréquentable. Je sors pas d'album, j'fais des dons d'organes. J'ai dans le cœur des tas de choses non commercialisables. Bâtir sa vie avec un tempérament destructeur, il fallait quand même oser. J'ai référencé tout ce que j'avais besoin pour mieux pouvoir m'en passer. Ok, est-ce normal d'y voir des insultes chaque fois que je les entends me parler traiter de paix? Maîtriser les mots est un comble pour des gosses de non-alphabétisés. Seigneur, cette vie, mes cœurs, c'est l'heure de faire le tri. Seigneur, save me, j'ai plus peur de ta colère que de mes ennemis. Une fois de plus j'enfonce les clous, j'ai l'impression de faire des vaudous. J'préfère me faire buter que poter en touche pas. Besoin de garde du corps, j'ai l'eau douce. Gueule, libelle ta vie de voyou. Mais fais pas de rap si tu veux des sous. J'viens pas donner mes rangs, les goûts. Les chercheurs d'orbi grave des cailloux. Me donner un genre pour quoi faire. J'ai de quoi freiner vos égos de merde. C'est souvent les esprits les plus fermés qui ont les bouches les plus ouvertes. J'ai fait des pères plus longs que leur carrière. Y'a qu'à la mise en bière que je rentre en boîte. J'suis le rappeur que préfère, le rappeur que tu préfères. Alors que moi-même je ne m'aime pas. Seigneur, cette vie, mes cœurs, c'est l'heure de faire le tri. Seigneur, save me, j'ai plus peur de ta colère que de mes ennemis. Tu ne me diras jamais chez là, ça passe ou ça te paiera. C'est là, c'est pas le genre qui m'amène moi, mais la fin qui grime et pleura. Tu ne me diras jamais chez là, ça passe ou ça te paiera. C'est là, c'est pas le genre qui m'amène moi, mais la fin qui grime et pleura. Et puis comme un coup de taser, je maintiendrai ma dépôt. Mon visage est dans leur viseur quand le leur est dans mon rétro 1. C'est cocos introuvables. Polo, polo, polo, polo, polo, polo, polo, polo. Seigneur, cette vie, mes cœurs, c'est l'heure de perdre. Seigneur. La Nocturne 100% rap français avec Brave. Yes. Erreur 404 est dans les bacs. Brave avec nous. Avec ce morceau qui s'appelle Seigneur à l'instant. Oui. Qu'on retrouve sur l'album. Qu'on retrouve sur l'album. Et l'autre morceau qui va être bientôt dispo. Je pense qu'on va essayer de quand même de le donner aux gens. Parce que c'est vrai, on l'a mis juste sur les plateformes en écoute, on va dire. Mais j'aimerais que les gens puissent l'avoir. Le tout est à refaire. Tout est à refaire. Oui. On écoutait auparavant. On va passer au live maintenant, si tu es prêt. Écoute, on va se faire deux morceaux. Mmh. On va faire Erreur 404. Et puis on va faire en profiter que Tiers-Monde est là aujourd'hui pour se faire une bagarre. Et d'ailleurs on peut même fêter aujourd'hui avec Tiers-Monde. J'ai vu que c'était en précommande depuis aujourd'hui son projet qui arrive au mois d'avril. Et depuis hier très exactement. Ah depuis hier merde je pensais hier, pardon excuse-moi je suis un peu en retard. Ouais depuis hier mon prochain album est disponible en précommande. Donc voilà c'est deux ans de travail et je suis assez fier de ce projet là. Maintenant je suis content de le dévoiler à tout le monde. Ce sera le 29 avril. Exactement. Et il faut savoir aussi, Fred, que Thiers Monde m'a laissé quand même la place de sortir mon album avant lui. Ça, il classe, faut savoir. Classe. C'est qu'il aurait pu l'annoncer depuis bien avant. Seulement, il a vu que l'album Souffrance avait un petit engouement qui a fait qu'on a lancé un deuxième projet. Et ça, c'est tout à son honneur. Et vraiment, je le remercie pour ça. Parce qu'il a décalé l'annonce de la sortie de sa préco. Parce qu'il savait que j'allais lancer tout ça. Mais ça m'éclate. Mais en tout cas, l'album, moi, je le précommande 7 fois s'il faut. Parce que c'est vraiment un truc de dingue, en tout cas. Que cette fois. Ouais, 1000 fois. Allez. Jusqu'au 29 avril, on a le temps de le précommander. Voilà. Yes, il y a un clip qui va sortir début de semaine prochaine, je pense. Donc, un morceau. Ouais, qui s'appelle Babel. Babel, qu'on pourra découvrir en début de semaine. Et puis aussi, comme on est sur les dates, il y a aussi une date pour toi, là. Pas en appart, cette fois-ci. Là, alors, c'est ma date parisienne. Mmh. Je suis content parce que c'est enfin moi à l'affiche d'une date parisienne. C'est le 24 mars, ça se passe à la Bellevilloise. Et les places sont disponibles sur le din-records.com. Donc venez nombreux, en tout cas les Parisiens, ceux de la région parisienne, etc. C'est parce que ça va être une date, en tout cas je pense qui va être cool. Ouais. Le 24 mars, ça approche. Yes. On est prêt pour le live? On est prêt pour le live. Je commence par Error 404. Yeah. Skyrock. Et nos relations humaines sont numérisées. Chacun s'y mêle aux autres pour faire civiliser. Dans ce paradis de pixels, on exprime nos sentiments par des icônes personnalisées. On se like, on se follow, jusqu'à se connaître sur le bout des claviers. Et puis on passe à autre chose. Faut croire que des hyperliens, ça ne suffit pas pour nous attacher. Même si un homme azerti en vaut deux, ce n'est pas le pire. C'est d'être connecté au monde entier mais de rien avoir à lui dire. Nos regards fixés sur nos écrans, sans pour autant voir la fin venir. On cherche de l'eau dans l'océan, pendant que coule notre navire. Se sentir seul dans cet ensemble, au formatage des souvenirs, il suffirait simplement. Il est vrai qu'on tue le temps, mais je peux te dire qu'il nous le rend bien. Entre les vendeurs de rêves et les acheteurs de followers, on ne manque de rien. La débilité a toujours eu le haut débit. On comble vide avec des selfies. Je fais le tour du monde en surfant, sans jamais devoir me jeter à la mer. La discussion est-elle importante? Il faudrait pas qu'elle prenne plus de 140 caractères. La dernière fois que l'on s'est vu, je ne m'en souviens plus. Désormais nos vies se résument par contrôle al supre. Fixés sur nos écrans, sans pour autant voir la fin venir. On cherche de l'eau dans l'océan, pendant que coule notre navire. Se sentir seul dans cet ensemble, au formatage des souvenirs, il suffirait simplement. chier. Skyrock. Brave. Erreur 404. Check. Big up à la famille Barré, à la famille Le Bail, à l'arbalète, Proof, Général, mon équipe d'In Records. Et on va enchaîner direct avec un morceau qui s'appelle Bagarré. Profitez que Tiers-Monde est là pour se battre dans les locaux de Skyrock. Fred, si tu veux, tu nous sépares dès qu'on peut plus. Oh, démerdez-vous, hein. Mais courage. Yeah. Prolo, arrête de croire que le monstre est sous ton lit. Tu ne vois pas qu'il est en train de sourire à ton miroir. Prolo, y a jamais eu de paradis des gangsters. Oublie tout ce que t'as promis, le mot espère. Yeah. Va voir plutôt exploit. Voilà, nous sommes riches de ce qui ne s'achète pas. Voilà. Dis-toi que les bâtisseurs de leur villa ont sûrement fait sec pas. Voilà, yeah. Il faut te bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, qui rallumeront l'espoir. Poilo, tu travailles toute ta vie pour être pauvre. Pendant que tes gosses ingrats ils cravent la coco. Partent à la jonquera. Yeah. Il faut te bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer. Il faut se bagarrer, bagarrer dans mon bloc, y'a pas l'OTAN. Y'a pas l'OTAN. Soldat de l'humanité, en vérité, j'ai choisi mon camp. J'ai perdu du temps, des poteaux, des proches et des montants. Première occasion, ton président prend pour un orang-outan, monsieur le président. Vie humaine, c'est quoi le tarot? Ma génération saigne mais ne veut pas de garrot. Toujours plus de haine, gros, toujours plus de paro. Quand Jésus fait la croix, tu penses qu'il fait le charron, charron. Hardcore, faut se bagarrer pour nos atouts. Donc on se tape ta peur, on réfléchit après. Au pire, on remettra deux, trois coups. Yeah, bloqué comme Aurel Sanégrin. Gros pif, grosse lettre, comme ça qu'on me distingue. C'est Néga, DKR, c'est rappelement dingue. Dans l'argent, par la plupart deviennent bilingues. Les hommes font la paix, mais 90 flingues. C'était chaud pour sous l'eau le 13 novembre 2015. J'suis un lion royal, car ici c'est la jungle. Je descends de mon ghetto, t'as qu'à descendre du singe. Mon le polo. Je descends de mon ghetto, t'as qu'à descendre du singe. Il faut se bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, bagarrer, dans ton pif. Yeah. Yes. Erreur 404. Tiers monde. Brave. Bagarré. Nos futurs. Le morceau s'appelle donc Bagarré. Vous le retrouvez sur Erreur 404 avec Tiers monde, avec Brave. Yes. Un petit mot d'ailleurs sur Boucher Double ou c'est trop tôt? Écoute, je veux pas. En fait, c'est peut-être bête de l'annoncer trop tôt, mais tu sais que le dernier album de Bouché Double était sorti en 2006, Apartheid, et déjà on est en 2016, attends, et que ça fait déjà 10 ans et qu'un anniversaire ne se fête pas sans gâteau. Mm-hmm. Maintenant, donc mais après, faut que... encore se mettre d'accord sur le truc, parce qu'il y a des trucs en coulisses que je peux pas tolérer. Moi, je suis d'accord, moi. C'est parce que Tiermond n'est pas prêt à faire la polka. Il faut se bagarrer juste avant pour retrouver peut-être un Bouché Double. Ouais. Bah merci en tout cas. Avant de se quitter, on finit peut-être avec un dernier morceau de Error 404. Écoute, oui, on va se faire un dernier morceau. On pourrait peut-être se mettre Préviens les autres. Comme tu veux. Ça, alors ça, c'est le morceau qui est né en concert en appart, par exemple. C'est peut-être le premier de l'album que j'ai écrit. Tu sais, j'aime bien écrire des morceaux qui ne sortiront peut-être jamais et de les jouer en live avec les gens, voir ce que ça donne. Et ce morceau était né en concert en appartement et j'ai décidé de le remettre parce que il a une vraie ambiance, en tout cas. Je sais que quand je le joue, les gens reprennent en cœur et il y a un truc qui se passe et vraiment, voilà. Et bon, on finit là-dessus et puis on se dit au revoir juste après. Yeah, brave, prolo. Error 404 dans les bacs. Allez pécho ça, allez écouter ça, allez regarder ça. Et puis, prévenez les autres. Tchè. Les cités dorment, n'ont pas le temps de dormir. Je suis le pire ennemi des nantis. J'oublie pas que mon corps est en leasing. C'est bien dans la marge que j'ai grandi. Pour m'y définir mon cadre de vie, je trouve l'idée assez romantique de voir le monde partir en incendie. Ça part pour finir. Exactement. préviens les autres, c'est aussi un des morceaux que vous retrouvez sur Error 404 avec Brave qui était là avec nous. Yes. Tiers-Monde était là aussi dans la maison avec nous ce soir. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup, Fred. Merci à toi. Alors, merci. Les prochaines dates à pas louper. L'album, c'est fait. Il est sorti. L'album est sorti. Maintenant, on commence donc les concerts en appartement qui sont. Enfin, les gens qui veulent nous contacter, contactez-nous via les réseaux sociaux pour le moment, jusqu'à ce qu'on mette ça bien en place. Et il y a une petite tournée. Donc, il y a déjà le 24 mars à la Bellevilloise, le 2 avril à La Franchie. Il y a pas mal de petites dates qu'on va. En fait, il y a la possibilité de voir tout ça sur ma page Facebook. Ou Instagram, en tout cas, je les annonce. C'est Brave World hein, pour retrouver aussi sur Twitter. Sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, je suis Brave World. Après, sur Facebook, c'est Brave Dean Records. Brave, voilà. BRAV, allez cliquer, allez récupérer cet album. En tout cas, venez. Et venez voir en concert Brave. Loupez pas non plus le 29 avril, c'est déjà en précommande l'album de Tiers-Monde qui arrive. Yes, Molo Bolo. Dans le futur. 29 avril, il faut être au rendez-vous. Inch'Allah, ça fait 2 ans que j'attends ce moment. Maintenant. Il est prêt. Il est chaud bouillant. Il est prêt de dingue. C'est dans un mois et demi, ça va aller vite. Il va vous décourager de la vie. J'ai sorti mon album avant, juste parce que je sais qu'après, ça aurait pas été possible. Possible. Et merci à vous, en tout cas, l'équipe. Merci à toute l'équipe de Dean Records aussi qu'on salue. Merci. Et loupez pas cet album Error 404 qui est dans les bacs. Yes. Ciao. Ciao, à plus. Ciao. La Nocturne continue maintenant sur Skyrock pendant une petite encore. Planète Rap, 100% rap français. Avec Monsieur Coolchen, l'album est dans les bacs, déclassé dans la Nocturne. La Fouine aussi, qui était notre invité, l'artiste, ça arrive. Nocturne, 100% rap français. Si ça tu continue. Te demandes pourquoi je reviens, je te réponds cash, pas pour le salaire, pour ça y'a le poker. Moi c'est juste prendre un beat et puis l'unique sa mère. Je fais ça pour le kiff, je suis pas vraiment en galère. Y'a longtemps que j'écris plus à la lumière du lampadaire. Je rappe sans protéines, chez moi c'est inné. Sans être un protéine, sans produit codéiné. J'arrive plein de testos, viens pas me tester. Vu que pour moi tes lyrics c'est des textos infestés de fautes, je vais délester. Paraît que je suis dépassé, que je peux pas prendre des sons trap, paraît que je suis déclassé, classé. Paraît que dans mon passé, j'ai pas servi que de la frappe, pourtant j'étais surclassé. Ça j'ai pas de boom bap, de trap ou de boom jack. Pour moi c'est que de la zik et dans le fond c'est le flow qui compte. Garde un bout de watt, t'as plume ton coup de boîte. C'est les MC sans inspirer, sans ego qui bondent. Paraît que j'ai trop d'ego, en fait j'suis trop fort et je le sais, confond pas. Ça n'a rien à voir, confond pas, j'suis lucide, j'me connais. Plus de 140 de QI, c'est le bruit que tu fais quand tu fuis. J'pose à la vibe, loin du business. J'préfère être une vraie légende qu'être dans le Guinness, tu me bloques, l'accès, j'passe en finesse. À l'aise, sans jamais être malaise. Tu fonds du gouffre en haut de la falaise, j'parais balèze, balèze. Paraît que j'suis dépassé, que j'peux pas prendre des sons trap, paraît que j'suis déclassé, classé. Paraît que dans mon passé, j'ai pas servi que de la frappe, pourtant j't'ai surclassé. 9-3 marqué dans l'ADN, 38 piges dans le béton parqué. Tu sais que dans ma dégaine, ça sent plus l'odeur du quartier. Dans ta BM, des rêves, j'en ai un paquet. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes. Un demi-siècle sur les épaules. Pourtant je décolle, je suis pas que dans le décor. Je serai jamais un cas d'école. Je suis pas un exemple, je sais, mais je respecte classique. Chaque jour je m'applique à faire des classiques. Paraît que je suis dépassé, que je peux pas prendre des sons trap. Paraît que je suis déclassé, classé. Paraît que dans mon passé, j'ai pas servi que de la frappe, pourtant j't'ai surclassé. Lève les mains si t'es d'accord avec ce que je dis. Si tu penses que je suis en accord avec ce que je dis. Y'aura pas de mytho, pas de carré pour me placer. J'compte que sur moi le reste que je trouve ça déplacé. Lève les mains si t'es d'accord avec ce que je dis. Si tu penses que je suis en accord avec ce que je dis. Y'aura pas de mytho, pas de carré pour me placer. J'compte que sur moi le reste que je trouve ça déplacé. Freestyle 2007, Kadabaro LSHEN. 9-3 marqué dans l'ADN, dans l'ADN. Bien plus que dans ma dégaine. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Paris, la Fouine, mon enfant, 78. La Fouine, reste un chien. Tu veux nous faire un chrome, mais tu connais personne. Reste un chien. Tu veux sortir le gamos, ta tasse n'est pas bonne. Reste un chien. Tu veux rentrer au kino, vivre au duplex. Reste un chien. La pêche, c'est crâne. passeuse et la quienne sans la tête. Reste ton chien. Pas de cash, pas de tâche, pas de mandat, rarement en promenade. Reste ton chien. On s'allume au gomme comme la rigue comme héritage. Reste ton chien. Mais nous sauver à fouine là, t'as pas le son dans ta go. Reste ton chien. Sur le fond d'écran de ta tasse, ma gueule, il y a ma tour. Reste ton chien. Moi, tu veux sniffer ma taille, t'asseoir à ma table. Reste ton chien. Sniffer ma no, no, t'es pas un mec de trace. Reste ton chien. T'as foucave, tous tes potes, tous tes rêves, la tôle t'a marqué. Reste ton chien. Tu veux que je décroche, t'appelles toujours en masqué. Reste ton chien. T'as pas le palmarès de Samuel Eto'o. Reste ton chien. Tu t'es fait crier comme tu n'y sais à keto. Reste ton chien. T'as voulu clasher, j'ai brisé ta carrière. Reste ton chien. Pas de DeLorean, pas de retour en arrière. Reste ton chien. T'as pas de contrat d'embauche, tu veux faire de la semi. Reste ton chien. Et tu fais plus de bruit qu'un putain de ennemi. Reste ton chien. T'as jamais cru en moi et maintenant tu me suis. Reste ton chien. Tu changes de pote, comme de phone, comme de bus. Reste ton chien. Je voulais sortir en perme, le procureur m'a dit. Reste ton chien. Je voulais gérer cette asse en thune et elle m'a dit. Reste ton chien. Je voulais taffer sans diplôme et le gars m'a dit. Reste ton chien. Reste ton chien. Reste ton chien. Reste ton chien. Je voulais sortir en perme, le procureur m'a dit. Reste ton chien. Je voulais gérer cette asse en thune et elle m'a dit. Reste ton chien. Je voulais taffer sans diplôme et le gars m'a dit. Reste ton chien. Reste ton chien. Reste ton chien. Reste ton chien. De la fouine, tout de cette chouette, c'est dangereux. Oh yeah, tout de la fouine, tout de cette chouette, c'est dangereux. Oh yeah, tout de la fouine, tout de cette chouette, c'est dangereux. Oh yeah, tout de la fouine, tout de cette chouette, c'est dangereux. Trop de bouffons dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. Après minuit, je pèse, ne m'appelle pas, ne me dérange pas. Tu veux m'attraper dans tes chansons, bonhomme, faut qu'on en parle. Autour d'un 357 Magnum, rempli de bars. Reste deux chien, je m'intitule gangster et l'attitude austère. Quand je prends le mic, t'as putain tous mes posters. Auprès des jeunes, j'ai de l'impact. Je te le dis franchement, si tu passes à la barre, prononce pas mon blaze à ton jugement. Bienvenue à Boulby, on t'interpelle sur un coup de fil. C'est nous le profil, n'a pas de profil. Je te le dis, j'ai vendu coke shit. Pas besoin de lire entre les lignes. Je ne compare pas mes délits et mes délines. Dans des gros bis pour du gros bif. L'oseille n'est que de passage. J'en donne aux prostituées au salon de massage. J'arrête de fumer toutes les deux semaines. Tu veux ma chaîne, ma liasse, ma chienne. Reste ton chien. Reste ton chien. Je voulais sortir en perme, le procureur m'a dit. Reste ton chien. Je voulais gérer cette tasse en thune et elle m'a dit. Reste ton chien. Je voulais taffer sans diplôme et le gars m'a dit. Reste ton chien. Reste ton chien. Reste ton chien. Reste ton chien. Tu voulais qu'on passe ton son chez Cut Killer. Reste ton chien. Si t'es un keuf, un nuit, c'est un inspecteur. Reste ton chien. Tu veux monter sur scène mais tu mets pas le feu. Reste ton chien. En plus tu t'es fait recaler chez le couvre-feu. Reste ton chien. Trop de flow, trop de tasse, trop de keuf, t'es d'avant lieu ouest où tu. Reste ton chien. Testé mais no, no, non, pas de ça chez nous. Reste ton chien. Tu veux des gifs, gifs, man, t'as pas d'équipe. Reste ton chien. Tu veux serrer, t'sais pas parler, les meufs te cheat. Reste ton chien. T'es recherché, t'as fait des chromes, t'es dans la merde. Reste ton chien. T'avais ski dans le sud avec des kikilos d'air. Reste ton chien. Paris, j'arrive 78, voilà mon empire. Reste ton chien. Tu veux tester, man, une seule chose à dire. Reste ton chien. Oh yeah, tout de la fouine, tout de cette chouette, c'est dangereux. Reste ton chien. Oh yeah, tout de la fouine, tout de cette chouette, c'est dangereux. Reste ton chien. Oh yeah, tout de la fouine, tout de cette chouette, c'est dangereux. Reste ton chien. Oh yeah, tout de la fouine, tout de cette chouette, c'est dangereux. Reste ton chien. Bon lieu, tout de 9-2, tout de 7-8, c'est dangereux. C'est ici. Reste ton chien, sale chien. Planète Rap 100% rap français. Ouais, Medellin, bien ou quoi? Dis-moi la prod que tu m'as envoyé hier soir. J'ai écrit un petit truc vite fait en 2 minutes dessus. On teste ça? Vas-y, balance le beat, on va voir ce que ça donne. Moi je suis né. Ils me ramènent dans la CC Royale et vont saigner du nez. Les gars ici c'est Paris, je vous répète que c'est pas Etienne. Tu m'as contacté pour avis trop peu mais j'ai changé d'email. Avalanche poudreuse dans leurs ailes. Ils marchent à pied mais ont pris des ailes. J'ai fait des sous, ouais, j'ai fait de l'oseille. Abracadabra, ouais. Un jean palme, un remplacement d'une diesel.

action, j'serai un bois ricolant. Violent, c'est pas marrant. T'es mourant, j'serai là à ton enterrement. contre pas son nom, c'est pour volant, tic tic violent, coucou courant, t'y dis pas que t'es pas au courant, j't'ai tété des branches de courant, caca casse toi t'es trop collant, tu vas coucouler ton culé, comme l'Ormanou tout sur sang, gros. Fais pas belle année, Sopra Zaef là au nez, espèce de counasse, on couche ta colonie, gros. Recule, casse-moi pour les couilles, ou j't'en colline, dis ça, ha, le j'pense, le j'suis ce mot. Dans une cage d'escalier, on peut le faire, on peut finir à l'hôtel, s'il y a plus de place, sa mère, il reste ma banquette arrière. Il reste ma banquette arrière. Il reste ma banlieue. Dans une cage d'escalier, on peut le faire, on peut finir à l'hôtel, s'il y a plus de place, sa mère, il reste ma banquette arrière. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. Ça fait mal, ça fait mal. Les messages, le hashtag Skyrock, le hashtag la nocturne. La fouine, c'est dans les bacs. L'artiste aussi, qui est passé chez Default tout à l'heure. On va écouter maintenant un morceau de l'artiste. Il y aura Joule aussi. La réédition est dans les bacs. Planète rap, 100% rap français. T'aimes les chiffons, les gros bolides. Arrête ça. Provoquer les petits colis. Arrête ça. Quand tu marches, tout le monde te valide. Arrête ça. Ton talent, c'est ta pyramide. Arrête ça. Quand j'ai la balle, il faut les appels. Meneur de jeu, c'est moi qui distille. Quand j'avais la dalle, tu faisais la belle. Maintenant tu m'appelles, tu dis que j'ai du style. Rien n'est trop bon pour toi. Tu aimes les voir se sacrifier. Rien n'est trop cher pour toi. Tu n'as vraiment aucune pitié. Ma chérie, combien tu t'appelles? J'crois qu'elle a trop bu. Mais combien ça te rapporte d'épouser une crapule pour valoriser ton statut? Mais dis-moi comment. Dès qu'elle s'est mise à bouger, ma carte bleue a rougi. Avant toi je connaissais EDF, maintenant j'tourne à la bougie. Dès qu'elle s'est mise à bouger, ma carte bleue a rougi. Elle m'a mis à découvert, moi qui voulais la découvrir. Rien n'est trop bon pour toi. Tu aimes les voir se sacrifier. Pour toi, tu n'as vraiment aucune pitié. Ma chérie, combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Mais dis-moi combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Je ferai de toi ma reine, je ferai de toi ma reine. Si tes yeux ne brillent que pour moi, si tes yeux ne brillent que pour moi. Des diamants, de l'or et des perles, des diamants, de l'or et des perles. Et de l'amour en pourboire. Ma chérie, combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Mais dis-moi combien tu t'appelles? Ma chérie, combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Mais dis-moi combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Combien tu t'appelles? Allumé, une boy partout ils sont mal lunés. J'ai mis une lucarne, je les ai enrhumés. Mais parle pas trop, ça peut t'allumer. Fais fumer sur le calumet. Une boy partout ils sont mal lunés. J'ai mis une lucarne, je les ai enrhumés. Tu cherches Joule, il est pas là là. Ils étaient bizarres ces gars là. Tu crois qu'elle doit m'écouter sa nana. Quand elle est triste qu'elle a ses ragnagna. N'écoute pas juste son lolo. Pour ma part ils font la queue le. Tu me crois pas moi je pololo. J'ai trop bu je peux le. Le parpal et la calalage. Dans ma team on n'aime pas les lâches. Y'a la frappe dans la balalage. Quand ils ont plus des gars ils te l'allègent. Tu peux parler t'as coulé. J'avance même avec la galette. Ils m'ont pas vu débouler. Je l'ai trop j'ai mis les palettes. Ta robe faut que tu la lèves. J'aime pas trop ton rouge à lèvres. Les frites sur le bout de la lamelle. C'était ton pote j'casse qui te la mette. On me dit bonjour tu viens de quelle planète. On me dit t'as tout niqué aux planètes. J'fume et j'trouve que ça m'aide. Contre la jalousie y'a pas de remède. J'vais ressortir les Mizuno. Jamais trahir avec numéro uno. Demain j'passe à la télé en direct. J'vais passer devant les tribunaux. Et ils sont pleins de manières. J'm'en fous, j'traîne seul, j'm'emmerde. J'vais leur faire une totorina. J'suis qui et j'vais me calmer sur l'herbe. On t'a proposé un plan. Réfléchis, attends, dis pas oui. Ils reviennent quand j'sors un album. J'les appelle les susclés, oui. Ils m'ont vénère, ben oui. J'me lève, j'bois de l'Odyssée, j'aime pas le kawa. Bah ouais, génération, j'mets droit le kawa. 2016, j'ai trop le power. En fait, à KFC, prends un menu tower. Dans la loi de la rue, beaucoup prennent le menu d'honneur. Y'a de la bombe au sommaire. Ils veulent brouiller mon vaisseau mère. Arrête de jouer le Roméo. T'esquive pas quand tu parles à une ninja. À l'ancienne ça charbonné sous le préau. Ça part à vitailler soit la fugente. Arrête de parler que t'envoies des flèches. Je me suis battu, j'en ai pris des pêches. On mélange pas les histoires, on mélange pas la vodka avec l'ice tea pêche. Je tape bien, ils veulent savoir la recette. C'était Messi, moi je suis CR7. Un peu crapule, un peu jet set. Je suis partout comme les DZ. Bang bang, Rafale au CZ. Vroom vroom c'est tout la YZ. Sois pas gentil ou on t'encule sec sec. Sert à quoi ta muscu et tes pec pec. Où allons-nous, est-ce que quelqu'un sait. On s'est haï, je veux même plus y penser. On sort du haut, on sort de la chienté. On se laissera pas faire comme le FLNC. Et le bon Dieu je remercie. Quand je suis au volant d'un féfé ou d'un mercé. J'ai fait des flaques comme des larmes j'ai versé. Faut que tu peux appris, je plaigne qu'ils ont les lèvres gercées. J'ai tout pété, ne sois pas fâché. Sur ce trop de frères en sursis. T'es là, tu oses me clasher. Alors que t'as des pantoufles sur les sourcils. Arrête tes blabla, c'est du bidon. Tu fumes, t'as les yeux qui tombent. Moi si moi ça, mais c'est Dieu qui donne. Lui le sait quand toi tu m'y donnes. Il fait tempête froid et j'ai pas de grosses fesses. J'profite pas du rapport, j'ai les grosses fesses. Même dans l'avion, on te branche l'hôtesse. Elle voit d'où on vient, rien qu'à nos têtes. Parle pas trop, ça peut t'allumer. Fais fumer sur le calumet. Ils me voient partout, ils sont mal lunés. J'ai une mine de carne, je les ai enrhumés. Parle pas trop, ça peut t'allumer. Fais fumer sur le calumet. Ils me voient partout, ils sont mal lunés. J'ai une mine de carne, je les ai enrhumés. Tu cherches où il est pas là là. Ils étaient bizarres ces gars là. Tu crois qu'elle doit m'écouter sa nana. Quand elle est triste qu'elle a ses ragnagna. N'écoute pas juste son lolo. Pour ma part ils font la queue le. Tu me crois pas moi je pololo. J'ai trop bu je peux le. Le parpal et la calalage. Dans ma team on n'aime pas les lâches. Y'a la frappe dans la balalage. Quand ils ont plus des gars ils te l'allègent. C'est la nocturne c'est 100% rap français. Joule. Réédition de l'album dans les bacs. Et on va rester dans le sud, Ghetto Phénomène, sur la bande-son du film Pattaya. Et avant d'écouter Afro Trap 6, MHD, ça arrive. Laisse les croire, Planète Rap. 100% rap français. Pattaya, Ghetto Phénomène, boy. Didier Kong, oh yeah. J'ai vu que chaque chose a ses limites. Et qu'il faut de tout pour faire un monde. J'y ai cru mais c'était qu'un rêve. J'suis pas tombé pour elle. De nos chutes on se relève plus haut. Amore mio, on termine où. La nuit est courte et sans toi c'est long. Amore mio, on termine où. La nuit est courte et sans toi c'est long. Tu joues un rôle où je vois flou. Il me faut des love, love, il me faut de l'amour. Quand tu dis je t'aime tout le temps, quand t'en veux encore et encore jusqu'à la mort. On termine où. On termine où. Vas-y moi. Le prends pas mal non, à ta l'heure. Toi et moi, je crois qu'on va faire un malheur. Elle m'a pipé sa paix. Elle s'est dit les millions. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelait. Elle a trouvé ça un million. Ouais. Et elle fait tourner, tourner la tête des hommes. Elle a foutu le désordre, y'a que son boule dans la tête des hommes. Tu joues un rôle, où je vois un flou. Il me faut des love, love, il faut de l'amour. Quand t'es dit je t'aime, en soirée, je crois que c'était elle. Je t'avouerai qu'elle m'a manqué, c'est réel. Je suis tombé sous son charme et sa bouche à l'amour. Si elle jalouse, ben j'attaquerai sa copine. Elle s'est taillée, elle a vu mon code PIN. Je suis cramé, je m'en veux, je m'en irai vers une autre. Amore mio, on termine nous. La nuit est courte et sans toi c'est long. Amore mio, on termine nous. Sans toi c'est long. Tu joues un rôle où je vois un flou. Il me faut des love, love, il te faut de l'amour. Quand tu dis je t'aime, t'aime tout le temps. Quand t'en veux encore et encore jusqu'à la mort. On termine. Prends pas mal, non, à ta l'heure. Toi et moi, chante, on va faire un malheur. La nocturne. Affronte la partie 6. Et moi, je devais mollo, mollo. On parie que liquider pour de grosses sommes. Billets green et purple, fruit de la passion. Négro volant m'attaquer Rolex ou mauvaise idée. On m'a dit que j'étais le prince, attention plus m'arrêter. Quand t'as fumé ma moula, arrêtez pas la bouteille dans les poussons. Moi je suis seul dans mon couloir. Check calcem, je sais check calcem. Comparez pas les matchs, elle est mon capricem. C'est fini de passe pour retrouver le silence. Les avoues m'appellent, j'ai répondu présent. Quand j'ai perdu personne, j'ai les couilles en ciment. Libérer nos poteaux, ça fait déjà longtemps. Ouais, ça fait déjà longtemps. Tu t'aimes ou t'aimes pas, je vais rester le même. J'y vais mollo mollo car les jaloux s'inquiètent. Fils, on fait les choses bien. Avant de partie 6, fais l'effet d'un extinct. Affronte la partie 6. J'y vais mollo mollo. Mais moi j'y vais mollo mollo. Frappez mes mollo mollo. J'y vais mollo mollo. La concu est dans le rétro. Les potes m'ont dit qu'à vous passer. J'y vais mollo mollo. Mais moi j'y vais mollo mollo. Frappez mes mollo mollo. J'y vais mollo mollo. La concu est dans le rétro. Les potes m'ont dit qu'à vous passer. J'y vais mollo mollo. Entrer dans le rap game un petit geste. Et puis je m'en mêle pas les pinceaux. J'suis pas assez artistique. Affronte la partie 6 en l'instru acoustique. J'représente Paname 19 rétro. Colonel la barre Guevarache. C'est la première place dans la cheval. C'est ce que je percé. Trop éclair pas comme une personne sans percer. Pas une vie de merde dans une cité décidée. Corriger mes fautes comme un dicté. La sonde du RAP. Je me suis injecté. Turbo injection. Rando en pression. Entier carapace de jeune masse de coups de pression. 750 paquets. Freestyle de paquet. Je répète d'être piqué. Même trop mis ma braquet. Des juges j'ai claqué. Ok j'ai gâté. C'est comme FD des RAM. Je serais bien les zappé. J'ai mollo mollo. Et moi j'ai pas mollo mollo. Frappez mes mollo mollo. J'ai mollo mollo. Dans le rétro, les potes m'ont dit qu'à vous vas-y, mais mollo mollo. Et moi j'y vais mollo mollo. Frappez mes mollo mollo, j'y vais mollo mollo. La concu est dans le rétro, les potes m'ont dit qu'à vous vas-y, mais mollo mollo. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne A7 SCH la crime. Dédicace à la crime, Dieu comme d'hab. Pendant la nocturne, on pense à toi, pas vrai Greg? La crime. On va durcir un peu tout ça dans la nocturne. Marseille. J'suis venu chiffrer. Le savoir est une arme. J'suis calibré, j'suis cultivé.

Le vendeur me doit une enveloppe bien épaisse. Du P9. Si ta meuf a ses règles, on lui casse ses fesses. Enchaîne 9. Point de vente, terrain, Yankee, ravi, taille le petit peu. On se régale. Que ça remplit la pure, je la coupe un petit peu. Au local. Tout va si vite quand ça croise les civils. Mon équipe qui prend la fuite. Sauve-toi. Les zombies se piquent, s'ils résident dans tes villes. Le grossiste est dans la suite. La mort en sachet dans la Gucci. Ça fait la perme sous Zanotti. Sac de me perdre dans les conduits. Y'a pas de mi-père mais ça conduit. La patate au kilo, la coupe au télo, la revend au pélo. Sur le compète c'est Mino, grosse bavette comme Chino, ça effraie les pinots. J'ai craché ma semence, le smeu a fouetté ton palais. T'as pêché de la substance, les portes ont levé dans l'allée. Où j'habite tous les jours c'est le fuego. Le répertoire est schlagué dans mon bigot. Une transac à peu près toutes les minutes. Je rentre pas chez moi sans remplir le frigo. Billets fluorescents pour se nourrir. Nique la proc, elle veut tous nous voir pourrir. Fais le malin, ça te sort direct un six coups. Tu vois la taille du truc, tu te mets à courir. Ça sort le fusil, ça tire pour un demi. Ça sort le fusil, je fais fuir mes ennemis. Armé comme Poutine. Soviet. Petit frère sort les cartouches. Mon gars de R sort les outils. La passeuse est rouquine. Sortez la perme du local. Ça fait la queue devant la cantine. Armé comme Poutine. Soviet. Chez nous tous les jours ça tire. Ici c'est devenu la routine. Ça vend de l'argent dans tout mon secteur. Nique le focus gris, nique l'inspecteur. Y'a pas de taf négro, je me lève à 11h. J'lance une LCL, j'attends 18h. Sur le rein, t'es tous électrico. Kid Beko, Covisser les cricots. Bongué au gang, demande à Rico. Libéré Bad Foy, libéré Croco. T'as reconnu Flo, c'est Joe des Pablo. La Bongué, on doit tout interzo. M1643, fusil d'assaut. Le sac rempli de douille, accompagné de Gaulois et morceaux. Mais ta mère pas les couilles, que tu sois le plus beau. Ton 35 Danzo, Obama et Bebo. Dans le quartier, les ports veulent nous coffrer. Tu t'es fait remonter pour 3 kills de doré. T'es dit qu'il est hal, qu'il enfile les balles. Qui fait et du sale, qui rafale après qui se barre. V8 sur le boulevard. Après la tâte, 4-4, Audi. Rejoindre ces grosses folles, se mettre quelques jets dans la face. Tout va si vite, overdose de la tasse. Prends les clés du Audi, Pesky avant que la nouchi passe à la barre. Que tu passes à la trappe. Avant toute cette folie, ces salopes se mettent à quatre pattes. Champagne, touchy, money, complu. Sperme dans les ovages, nuages de fumée. 8 dans la feuille, parfume le coï pour mieux les avoir. Tu prends, tu suces ou tu d'avoir. Tu te rends, tu fuis, tu te fais avoir. Qui veut du dessus, j'ai pas ma semence. Dans ta capitale, de la drogue et de la monnaie. Ça sort le fusil, ça tire pour un demi. Bang, bang. Ça sort le fusil, je fais fuir mes ennemis. Bang. Armé comme Poutine. Soviet. Petit frère sort les cartouches. Mon gars de R sort les outils. La passeuse est rouquine. Sortez la perme du local. Ça fait la queue devant la cantine. Armé comme Poutine. Soviet. Chez nous tous les jours ça tire. Ici c'est devenu la routine. Bratso, dédicace à Ali, buzz de fou à l'écoute, 100% rap français. Aimé, deux portes dans la cave, je suis radical, je vous lance pif avec mon refrain. Crois pas que je m'envole, non, je suis posé au calme. Je compte les hippies que le diable en verra offrir. Non, ici celui qui monte, c'est pas kiké. Like et que je décoffre un merco, que je puisse les larguer. Remonter avec la concu, demande à ED. Big up. Laisse nous faire les choses, on sait les faire. Wesh, l'amour nique sa mère. J't'aurais dit que c'est toutes des grosses putes, y'avait pas ma sœur et ma mère. Bref, j'suis avec mon poro sur la route, y'a les dards. J'cogiterai plus tard, j'arrive tant qu'il y a du flouze. Sur le terrain, on est douce, c'est le gétane qui froisse. En plus, j'suis en transe, la farine sous mes shoes. Demande pas de que truc, gros, si tu dois des sous. En plus, fais des spies, y'a la haine qui se dissout, y'a la haine qui se dissout. Ma gueule, on les rend ouf, même t'ahlel, monte sa fouf. La relève, personne souffle et j'm'amène. M'aimène, j'perds mes codes, j'pète ma puce sa mère. M'aimène, m'aimène, crois pas que j'aime la vie, non ça pue sa mère. Le bonheur m'attend, ça fait depuis ma naissance que j'tarde. Tu nais de mère, tu mouriras de mère, même si t'as fait 10 ans de j'tard. J'm'en bats les couilles ton histoire, tu rates bien mais t'es chelou ma gueule. La vie m'a bluffé donc j'suis parti de rien, j'la dépouillerai sans la moindre garde. Le bonheur m'attend, ça fait depuis ma naissance que j'tarde. Tu nais de mère, tu mouriras de mère, même si t'as fait 10 ans de j'tard. Bon, faut que le cosmi, j'veux des liasses et des liasses. Depuis le berceau, j'ai les crocs. Si j'fais du son, c'est pour remplir mes poches, pas pour draguer des tasses. Bon, remballe ta ch'tec, on s'en tape. Sans lasser, j'ai l'air doué, mais j'm'en tape. Ils disent que j'suis vrai, elles disent que j'suis vrai. J'marche avec ceux que c'est, puis des drapeurs fantasmes. J'les baise, ils le savent, j'les baise, ils le savent. C'est toujours les crevards qui se plaignent. J'regrette mes baves, à trop faire le gentil, j'en ai sali mon place. Laissez ma place, my man. Ils sont trop à l'ancienne, bande de chaves. Viens faire un feat qu'on vienne éteindre ton place. Essaye de te lever qu'on vienne prendre ta place. Comment veux-tu qu'ils me donnent la ce voir? Ils sont nazes, ils sont nazes, bon, ils sont nazes. J'en oublie l'utilité de ma gentillesse. J'pense à mes potes qui sont pas morts de vieillesse. Ma ville plaire et moi je reste incompris. Je me rapproche, mon œuf, c'est que mon cœur s'assombrit. J'pense à nous, mais tu sais, je me remplis. Y'a des millions de morts que la France laisse à l'oubli. My man, pareil, rien de magique une fois la nuit tombée. Bon. Demain, Chétane se lèvera du bon pied. Bon, my man, donne-lui son pif et elle sera ravie. Ils sont tous pareils, moi je suis MK à vie. Le bonheur m'attend, ça fait depuis ma naissance que je tarde. Tu nais de mère, tu mouriras de mère, même si t'as fait 10 ans de j'tard. Je m'en bats les couilles ton histoire, tu auras bien, mais t'es chelou ma gueule. La vie m'a bluffé, donc je suis parti de rien, je la dépouillerai sans la moindre garde. Le bonheur m'attend, ça fait depuis ma naissance que je tarde. Tu nais de mère, tu mouriras de mère. Même si t'as fait 10 ans de j'tard. Même si t'as fait 10 ans de j'tard. Même si t'as fait 10 ans de j'tard. Même si t'as fait 10 ans de j'tard. Même si t'as fait 10 ans de j'tard. Bratso dans la nocturne. Avant Jaja et Dinaz à écouter. Je m'en bats les couilles ton histoire. Faut pas que je les blesse. Je baisse. Faut pas que je les blesse. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Ouais, faut bien qu'on pense à plus tard. Chez moi, tous les chemins mènent au j'tard. Tu veux que je fasse quoi? À part brûler le cellophane, j'en place une pour tous nos fans. Sans vous, c'est la fin. J'fume des bédos tard et je reprends ça le matin. Ma chérie, j'ai un Aladin. Regarde nos têtes, pas la paix. Marqué par la life, la rue nous a pas raté. Et puis j'fume pour calmer mes ménères. Dans le rap, on est venu faire le ménage. Rêve une vie à payer pour ma mère. Et tu me balances de tous mes frères. Là, je suis dans le bal. On s'est des kilogrammes. Sur l'autoroute t'es mal pilotable. J'sais parler au dame, on contrôle la zone ça depuis longtemps. Elle veut me tenir les mains, souvent me noter. Moi je reste avec les miens bloqués dans ma tête. Exterminé, il va te la mettre, vas-y va l'allumer. En studio enfumé. Ça pue à la cité, les gars sont coquettés. On est pas là pour se taper, c'est comme c'est pédé. Il veut que ça part en cul, bah ça va péter. Je me pète la tête, je vois le daron s'endetter. Tu parles de bosser, t'en as marre de grosser. Je viendrai t'arroser devant ton verre de rosé. Je m'en tape tes conseils, là je me fais courser. Je passe la sixième, il se retrouve dans le fossé. Je fais que tourner. Je resterai avec toi si tu me consommes. Autant je consomme, ma part se réveille pour les gros sommes. Faut que tu me conseilles, je resterai avec toi si tu me consommes. Planète Rap, 100% rap français. J'adore Paris. C'est la plus belle ville. La ville. Enfin un nouvel hymne. Capitale dans la capitale. Vivre et mourir à Paris où tous les jours on fait de la thune, du beurre, du cash par tous les moyens. De Paris on est prêt à en faire la une. Un jour tu pleures, un jour tu ris. Ce soir tu meurs, demain tu revis. Au pied du sacré cœur j'étouffe dans la chaleur. La nuit j'écris, ici c'est Paris. Paris c'est magique, Paris c'est tragique. Cité de tous les rêves, capitale de tous les trafics. Ici c'est marche ou crève, la ligne 13 opère la chaise. La goutte d'or et la chapelle, mon terre-terre j'opère à l'aise. Inconnu comme le soldat, on sacrifie, on ne se rend pas tel une flèche. Place d'étoiles, je fonce à la poursuite, mon arc de triomphe. Billets verts et billets jaunes, c'est encore mieux avec des violets. Si tu veux mettre à briller, du haut en bas des Champs-Élysées. Je serai l'homme qui valait 3 milliards, dans la ville qui vaut 3 milliards. Du cristal au milliardaire, demain j'achète comme Lagardère. En attendant, je suis rue Saint-Denis, à Pigalle, boulevard Clichy. Ah, la belle époque des polices, qui pourrait mourir à Paris, bien sûr. Qui fait mourir à Paris, quand tu es maintenant dans le fer. Rien ne peut t'arrêter, rien ne peut t'arrêter. Où tu peux y faire carrière dans le commoditisme ou en chantant. Je suis arrivé pour bagnoler. Edith Piaf nous joue des tours. La vie en rose en bas des tours. Sous 33 tours comme porte de secours. Vie souterraine entre les murs. La vie est chère, la vie est dure. Vue aérienne c'est grandiose. Du point de vue de la rue c'est autre chose. Dans ma rue ça tire, y'a des fusils, y'a des drive-by. Belleville à Delès, dans 20ème revêt ton pare-bas. Et sa banlieue divisée pour mieux régner. Comme un fusil à canoncier, j'ai eu résidence des deux côtés. À Châtelet t'es comme aux States, en mode Sharks contre Jets. Je risque un trauma sur la vue parce que je détraie ma sur le U. Je m'endors avec les sirènes et les victoires du PSG. Tous ces suicides et homicides, les serrades humides du RRB. Si on se fight des fois, on restera ensemble dans la lutte. Car on se réveille avec la haine, l'important c'est pas la Le garçon s'appelle Oncle Cil. Vivre et mourir à Paris, dans la nocturne. Hashtag la nocturne, hashtag Skyrock. Balancez des messages.